C'est ça, faut être fier de nous. Ouais, ça, dans le tribunal du hip-hop, tu peux faire. Moi, je serai bien viscère. Ça se passe comme ça, oui, dans mon putain de quartier. Franchement, t'as un putain de dossier, mon frère, j'avoue. Ah, mon frère, c'est un morceau de 82, ça, mon frère. Mais attends, ouais. Quoi? Faut pas croire que c'est que sur. Y'a que Khamsa qui est dans l'histoire. Ah, j'achète un dossier sur. Ça y est là! C'est autour de monsieur Daris. Quoi? Daris, j'avoue, j'avoue. Écoute, vas-y, mais. Daris, t'es là. Je me suis dit que le diable toujours a. Nous avons toutes les marques. C'est le business, il décide de rester pour nous un espoir. Et donc, petit à petit, on a fait les verres de chier. Et je ne m'en vais pas pour faire mon avocat, mais voilà. Attendez les mecs, là c'est le pire là. Non mais là c'est le pire là. Là c'est le pire là. Là maintenant on a eu Daris.